ebele yango bato petina bakeseni ringo patona tonda gentillesse motema pembe lukela yende makambo ebele moka etonda nde makambo ebele yango bato petina bakeseni ringo patona tonda gentillesse motema pembe lukela yende makambo ebele mono yo sala bolamu bamona nyonso zero motema nzambe apesa yo monene lokola ebale obapiefe na yo ringo patone basalela yo monima ringo patone papa charlie elinga nzete oyo bandeli bakataka yango te ebandeli afia mwana mobali pasi mingi mama surtout baoyo babotama mingi na famille ya pobre kolala na pasi koluka moto na moto na ndenge na ye komeka te kosimba moto yo kolika ye oyo basimba biloko tomo na ndenge esukisa bango na la vie esengi lokola ya mesa na kosalisa ezali religio apona ya kosalisa baninga mpe bandeko baye lavi na ngai yonga na lela na nani ye lavi na ngai yonga na kabola na nani ye lavi na ngai yo na maboko abaleki nzela mbongo tokolukaka mpo tosalisa famiye nyonso tokosalaka mpo tolesaka bana ye mebali ya kitoko batanga kelasa malamu e ngaringo patone motema pembe ya yabali ekebele sesala vio o yeza lokola kica makolo misato yeba kofanda nekebe nokite wakokoya kekosale dangela tortu ne recule jamais celui qui lavance pas recule dans le vide nzambe yotinda patan mpo wanyokoma terrain okuta masumu na ye kuna nekulusu notre père qui est au socket ton nom soit sanctifié que ta reine vénère que ta volonté soit faite sur terre gringo patone papa na junior chasse christi okuba kutu einda ndongo yekana ndeko ya makambo jacques dumu basusu na boloko na likambo bazali te basusu na lopitalo mbongo tona seza te bakuraje babimaka na ntongo mpo na koluka losambo na bango epa ya nzambe enjoubana ya sike detu kumba finale ya bo Kapende, kapende, kapende, kapende, kapende, kapende, kapende, kapende, kapende, mokura ma ba chila ma ba bina nuka le kongo kofia eh. Jimba eh ah. Tu vive en bouche à ma jambe si la binda. Tu gagnes le capoya, champion Giro. Numéro 6 aya. Numéro pour rapport. Numéro 6 aya. Je vais voir un gagne, ni bien voler, pas de bien voler, le haut titre pour amour, le haut pizza. Numéro pour rapport. Numéro 6 aya. Numéro pour rapport. Numéro 6 aya. Et pour la vie, y'a pas, et t'as bien aimé. Mama, tiki, mayango e komi boya, tiki mama.